20, 17. Activation orale. Se moquer de. Pronom accentué. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Pourquoi tu te moques de moi comme ça? Et vous répondez. Moi? Mais je ne me moque pas de toi. Ah oui. Bon, ben voyons. Numéro 2. Pourquoi est-ce que tu te moques de Robert comme ça? Moi? Mais je ne me moque pas de lui. 3. Pourquoi est-ce que tu te moques de tes sœurs comme ça? Moi? Mais je ne me moque pas d'elles. 4. Pourquoi est-ce que tu te moques des gens comme ça? Je ne me moque pas d'eux. 5. Pourquoi est-ce que Mireille se moque de moi comme ça? Mais elle ne se moque pas de toi. 6. Pourquoi est-ce que Mireille se moque de Robert? Elle? Mais elle ne se moque pas de lui. 7. Pourquoi est-ce que Mireille se moque des gens? Mais elle ne se moque pas d'eux. 8. Pourquoi est-ce que ces gens se moquent de moi comme ça? Mais ils ne se moquent pas de toi. 9. Pourquoi est-ce que ces gens se moquent de Robert? Non, ils ne se moquent pas de lui.